Contre les manœuvres américano-sud-coréennes Ultifreedom Gadun, le nouveau parti socialiste roumain et l'association d'amitié Inde-Corée de toute l'Inde ont lancé chacun les 24 et 22 une déclaration, tandis que le comité suisse-Corée et le cercle suisse d'études des idées du jeté une déclaration commune le 20 août. Par ailleurs, les formations suisses ont publié en commun le 18 une déclaration en faveur de l'entretien du porte-parole de la représentation à Panmunjom de l'armée populaire de Corée.